Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Yvonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio aux coups humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et même à 23h. Cette semaine, Algérie, les ineffables mémoires, une série d'Alain Lefkovitch réalisée par Somanina. Au départ de cette série, il y a le livre d'une historienne et des questions qui reviennent. Il y a des milliers de jeunes hommes partis sans savoir ni comprendre et rentrés, trop souvent, transformés par la violence. Alors pour commencer, les personnages. Un appelé qui écrit une carte, un ancien bidas, un ancien combattant, une historienne qui nuance, un ancien bleu qui se souvient et un cinéaste qui explique. Ensuite, le décor, des archives, la peur d'être réformé, l'Algérie, la Méditerranée, le bateau, le soleil, la pacification, paraît-il, la guérilla, la jeunesse, la torture, un gourdin et un repas de famille. Aujourd'hui, premier épisode, on remonte le temps. Pendant la nuit du 31 octobre au 1er novembre, on a tué, incendié, provoqué l'émeute et le désordre. Et pourquoi ? Pourquoi donc furent-ils abattus, ce jeune instituteur et sa femme ? Qui devaient le lendemain commencer leur belle et difficile mission au cœur même de l'Aurès. Ils venaient apporter aux enfants algériens les leçons d'une vieille et haute culture, en même temps que les richesses d'un cœur fraternel. Que cherchaient donc leurs assassins? Voulaient-ils aussi, en abattant le caïd de Mchounesh, Ben Hajj Sadok, qui retournait à son poste de responsabilité, crier leur hostilité contre les anciens combattants de l'armée, ces anciens combattants qui fournissent tant de cadres courageux et utiles à l'administration? Qu'a-t-on voulu prouver en tirant à bout portant sur ces jeunes soldats qui montaient la garde d'un casernement? Crimes odieux contre d'innocentes victimes, crimes absurdes et qui seront châtiés car celui qui emploie de tels moyens doit savoir qu'il sera frappé à son tour. Allocution du ministre de l'Intérieur François Mitterrand, novembre 54. Plus de 30 explosions venaient d'ensanglanter l'Algérie. Une nuit baptisée la Toussaint Rouge. Le 1er novembre 1954 débutait une guerre sans nom. Première bombe, premier mort et premiers appelés du contingent. Des bidas, des bleus, des mômes d'à peine 20 ans, même pas majeurs, venus officiellement faire leur service militaire. Serge Drouot avait 15 ans. Étriqué dans le petit deux pièces qu'il partage avec ses parents et sa sœur à Boulogne-Billancourt, près des usines Renault, il attend impatiemment son heure, qui arrive le 4 novembre 1959. Mais en attendant, c'est dans les courriers des camarades partis avant qu'il imagine sa guerre. Ce jeune militaire, Aubandré, quand il est arrivé en Algérie, il a envoyé une carte postale de là-bas, avec la photo du bateau sur lequel il avait fait la traversée, la Tousse 2. Il dit voilà, il a écrit à ses parents, « Je suis bien arrivé sur la Tousse 2, il fait un beau soleil, le voyage était beau, la mer était calme, je vous embrasse bien fort. » Et puis après, il envoie une deuxième carte avec un petit paysage. Il y a marqué, voilà le genre de maison que l'on rencontre dans tous les bêtes de la région. Les bêtes et les gens dorment ensemble. Garde-la car elle me plaît. Placez-la dans l'armoire bleue, elle m'attendra à mon retour. On savait que là-bas c'était la guerre, on savait qu'on risquait d'y partir. Mais on n'avait qu'une crainte, c'est d'être réformé. Parce que réformé, ça veut dire qu'on n'est pas bon pour l'armée. Si on n'est pas bon pour l'armée, on n'est pas bon pour rien du tout. On n'est pas bon pour les femmes, on n'est pas bon pour le travail. Et à cette époque-là, c'était important pour certains. Rendez compte, moi, si j'avais été réformé, j'étais pas bon pour être embauché à EDF. Parce qu'à l'époque, dans une entreprise, quelle qu'elle soit, privée ou publique, quand on embauche un jeune à l'époque, on l'embauche pour la durée de sa carrière, pour ainsi dire. Donc on ne va pas se permettre de se prendre le risque d'embaucher quelqu'un qui a une tare physique. Oui, donc c'est un peu cette crainte. Et c'est pour ça qu'il peut expliquer certaines photos que vous pouvez voir. Et à la sortie du conseil de révision, la fête, on est bon pour l'armée. Algérie, les ineffables mémoires. Mais qu'a donc été faire papa dans cette galère? Alain Lefkovitch, Somanina. Comme mon père, parti le 8 décembre 1954 avec la 54-2B. Lui aussi était bon pour l'armée. Il en est revenu avec plein de bons souvenirs, des photos des copains, des blagues de potache et des déconnades à l'appel. Le régiment, c'était quelque chose. À 88 ans, il s'en souvient comme si c'était hier, dans les moindres détails. Tout comme Francis Hivernes, appelé sous les drapeaux en 61, une des dernières classes d'âge. Il est aujourd'hui l'un des membres incontournables de la FNACA, la Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie, Maroc et Tunisie. Eh bien, je suis un bidas comme un autre. Je pars faire mon service militaire comme 1 500 000 ou 2, 3 500 000 et 2 millions de jeunes militaires sont partis en Algérie. Sans savoir dans quoi j'allais être, sans savoir dans quoi j'allais me trouver. Vous voyez ? Donc je suis parti normalement comme un militaire, comme un appelé. J'ai deux frères qui sont partis avant moi. Voilà. Un dans le Constantinois, donc pas très loin d'où j'étais aussi. Et puis l'autre en Kabylie, dans la région de Palestro. Ici Alger, RTF. Le ministre résident a indiqué que l'opération renfort ne faisait que commencer. 50 000 hommes, 5 demi-brigades d'infanterie, des fusiliers marins, 17 hélicoptères et une centaine d'avions légers rejoindront bientôt l'Algérie, a précisé M. Lacoste, qui souligne également que notre politique n'est pas une action d'extermination, mais bien de pacification. Je reçois ma feuille de route le 4 novembre 59. Serge Drouot. Je dois me rendre à Coulommiers, en Seine-et-Marne, au 458e Gamma, 458e groupe d'artillerie antérienne, des marines antériennes. Voilà. Et donc, je vais faire quatre mois de classe qu'on nous apprend le maniement d'armes, le garde à vous, enfin, tout ce qu'on apprend à un jeune militaire, enfin, un jeune qui est là. Bon. En ce qui me concerne, moi, j'ai jamais tenu d'armes de ma vie. Et au bout de 4 mois de classe, eh bien, je reçois ma affectation, enfin, l'ordre de partir pour partir en Algérie. La 22e RIC vient de s'implanter dans la région de Marnia et je me suis rendu au PC du colonel Soro pour faire connaissance avec cette unité chargée de la pacification dans le secteur ouest. Alors, avant de partir en Algérie, j'étais dans le quartier de Boulogne-Billancourt où nous étions un certain nombre de jeunes à se rencontrer. Dans cette bande de copains, il y avait aussi un jeune qui s'appelait Laïfa Khalifati, qui était venu d'Algérie parce que c'était un jeune très érudit qui avait fait ses études là-bas à Alger et on lui a refusé l'entrée à la fac d'Alger disant « Non, c'est pas pour toi. Si tu veux poursuivre tes études, tu vas à Paris, tu vas en France et à la Sorbonne. » Et à la Sorbonne, bon, il n'a pas été pris. Et il s'est retrouvé dans une blanchisserie de Boulogne-Billancourt, dans un foyer de travailleurs nord-africains, comme on dit ça à l'époque, au 121 de la rue de Sildy à Boulogne-Billancourt. Et donc ce jeune-là, un jour, il est arrivé en me disant « Je viens vous dire au revoir, et je retourne dans mon pays pour me battre pour l'indépendance avec mes frères ». Et j'ai gardé de lui une carte postale, d'ailleurs, quand il est arrivé à Alger, j'écrirai plus longtemps. Et depuis, j'ai jamais eu de nouvelles. Et pendant les 24 mois que j'ai passé là-bas, j'ai eu toujours la crainte de me trouver face à face avec lui. Une fois de plus, nos Africains d'AOA et FEDAOF sont sur la brèche. Leur fidélité à la France est inébranlable. Avec eux, comme avec leurs anciens, le 22e RIC poursuivra en Afrique du Nord, comme ailleurs, sa mission de pacification en participant au rétablissement de l'ordre et en recherchant l'apaisement des esprits et des cœurs. J'ai été appelé, j'avais 20 ans et quelques jours. Paul Hajder. Moi, j'étais un petit peu au courant parce que au village, j'avais des copains d'école primaire qui étaient plus âgés que moi, qui avaient déjà fait l'Algérie et qui racontaient un peu leur parcours. J'avais eu aussi cette chance du danger qu'il y avait, des embuscades qu'il y avait, que en fait, ce n'était pas de la pacification, mais que c'était bel et bien de la guerre. Hein. Et donc, moi, j'étais au courant de ça. Bon. D'un autre côté aussi, j'ai eu cette chance que j'avais des parents qui étaient, bon, pas dire millionnaires, mais qui étaient assez aisés. J'ai, par rapport à la grande majorité de l'époque, moi, je me suis retrouvé avec des garçons de mon âge qui n'étaient jamais sortis de leur village. Hein. La seule fois où ils sont sortis de leur village, c'est pour aller au chef-lieu de canton passer le conseil de révision. À 20 ans, je sais pas, paf, d'un seul coup, tout vous tombe dessus. Vous savez pas où vous allez. Quand je vous ai dit que J'ai découvert la Méditerranée pour la première fois, mais d'autres, c'est le train qu'ils ont pris pour la première fois. Et on vous dit là-bas, pendant vos classes, l'Algérie, c'est la France. Vous arrivez là-bas, le climat n'est pas le même. Ils ne parlent pas la même langue. La monnaie n'est pas la même. Mais mettez-vous à la place de ceux qui n'ont pas eu cette chance que j'ai eue, moi, d'aller à l'école et d'apprendre un certain nombre de choses, ou d'avoir un certain entourage familial qui m'a éclairé sur un certain nombre de faits. C'est complètement déphasé. En plus, les conditions de voyage. Bon, il vous faut 12 heures pour aller de Paris à Marseille par le train à l'époque. Vous arrivez, vous embarquez sur un bateau à fond de cale, 27 heures de traversée. Et là, vous vous dites, c'est pas possible. Bon, et puis vous arrivez, c'est vrai que au mois de mars, à Beaune, le ciel est bleu, tout ça, c'est un pays merveilleux, l'Algérie. Est-ce que c'était une guerre en Algérie, finalement ? Raphaël Branche, historienne. Une guerre pour les hommes et les femmes de leur génération. Ils sont tous nés dans les années 30. Une guerre, c'est la Grande Guerre. C'est la guerre de 14. Après, il y a une guerre un peu dégradée, c'est la Deuxième Guerre. Et après, il y a l'Algérie. Alors l'Algérie, ça n'a plus rien à voir. Et c'est impossible de l'appeler guerre. Finalement, qu'est-ce qu'ils vont faire en Algérie ? Certainement pas rencontrer une armée, par exemple, de taille égale. Au contraire, au début, on les appelle des hors-la-loi, des bandits, des rebelles, les combattants de l'armée de libération nationale algérienne. Et de toute façon, tout au long de la guerre, il y a une dissymétrie énorme entre les deux armées. Donc, c'est difficile, même pour eux, de penser vraiment ce qu'ils vivent sur le modèle de la guerre. Donc, la difficulté à se la représenter comme telle, elle est aussi au cœur des individus. J'avoue qu'on est tous partis... Avec les copains à l'époque de l'armée, sans trop savoir où on allait découvrir. Jean-Claude Guérin. Et bon, c'était calme, c'était joli, bougies sous le soleil, c'était très agréable. À part qu'on a été accueillis par des you-you. On a appris ce que c'était que les you-you. C'est-à-dire que la population marquait notre arrivée et n'était pas tellement radieuse de nous voir arriver. C'est ce qu'on nous a dit. C'était très calme, à part ces you-you. Il n'y avait personne pour nous attendre. Et donc, avec les copains, j'ai pris la décision de me renseigner. Puis il y en a un qui m'a dit, bah, c'est pas difficile, vous prenez l'avenue là, qui longe le port et vous allez arriver à la 311e CRD. Bon, avec notre paquetage... On prenait notre temps, on était assez joyeux, on arrivait, on avait bien mangé, bien déjeuné, passé une bonne nuit, donc il y avait le soleil, c'était assez radieux. Quand tout à coup est arrivé un half-track, les bandes de mitrailleuses pendaient de chaque côté du truc, et puis ils nous ont traités, bon, les bleus. Puis en arrivant à la CRD, on retrouve le half-track qui était garé, en plein milieu de l'esplanade. Et il y en a un qui s'approche, et puis qui touche une des cartouches des bandes de mitrailleuses, puis qui me dit « Ah, dis donc, Jean-Claude, t'as vu, c'est du vrai ?» Ben, je dis « Oui, qu'est-ce que tu crois qu'on vient faire ici ? On ne vient pas pour faire le guignol, hein ?» Et là, on a tous dit « Ben, oui. » Ici, Alger, RTF. Deux jours passés dans le massif de Bouzesga, a circulé du Fondouk à Palestro par Maréchal Foch, Saint-Pierre-Saint-Paul et Kedara, à suivre les opérations militaires, à interroger les habitants, m'ont été d'un précieux enseignement. Qu'est-ce que l'on est venu faire dans cette galère ? Bon, on a entendu des coups de feu, on a entendu des bagarres, entre guillemets, dans le lointain. On a eu l'occasion d'avoir... en ville, une bombe qui saute, ce qu'on appelle maintenant un attentat, quelqu'un qui s'était fait, qui recevait un coup de poignard dans le dos. On ne s'est pas rendu compte de l'énervement qu'on prenait sans... Graduellement, c'est monté graduellement, on ne s'est jamais rendu compte de quoi que ce soit. La guerre, elle est nulle part, elle est partout. Moi, j'ai vu me promener dans Beaune, aller au cinéma à Beaune, en une perme comme ça. Il n'y a rien passé. Puis deux jours après, le gars, il allait au cinéma, il y a une grenade qui pétait, il y avait trois mecs qui étaient tués dans le cinéma. Évidemment, on peut ne pas y penser. On n'y pense pas, on vit comme ça, bon. J'ai pu apprendre ainsi la nouvelle tactique employée par les hors-la-loi, connaître l'état d'esprit des populations tant d'origine européenne que musulmane et comprendre à quel point la tâche des forces de pacification est malaisée. Mais concrètement, qu'est-ce qui s'est passé en Algérie? Il ne s'est pas passé des batailles. En Algérie, les soldats sont morts. Quand ils sont morts sous les balles de l'ennemi, ils sont morts dans des embuscades. Donc une embuscade, c'est quoi? C'est une guerre de guérilla, c'est une toute petite troupe qui assaille une unité beaucoup plus, enfin une troupe beaucoup plus importante, mais fragmentée en petites unités au moment où on peut fondre sur elle. Donc c'est ça la réalité de la guerre en Algérie, qui fait que peuvent tomber et peuvent mourir n'importe quel soldat. Un cuisinier peut tomber dans une embuscade. Un homme dont le métier est de construire des ponts pour l'armée peut tomber dans une embuscade. Il ne faut pas être un parachutiste pour tomber dans une embuscade, en fait. Donc on peut comprendre à partir de là que la nature de la guerre fait que tous les soldats, parce qu'ils portent l'uniforme français, sont des cibles. Et à la limite, moins ils sont capables de se battre, mieux c'est. Donc ils peuvent être cibles d'embuscades, ils peuvent être cibles d'attentats aussi, bien sûr. Si on considère que qui a risqué sa vie en Algérie, à peu près tout le monde. Tout le monde est exposé et forcément pas. Et tout le monde ne fait pas forcément, ne va pas au combat, au feu. Francis Ivernès. Moi, j'étais dans un régiment de combat, le 7e régiment de tirailleurs algériens. Alors, quand on a 20 ans et qu'on se retrouve avec une arme et qu'on est obligé d'aller au feu et d'obligé de tuer quelqu'un, on n'est pas prêt à ça, j'imagine. Normalement, non. Mais c'est soit l'autre, soit vous. Il n'y a pas le choix. On ne fait pas la guerre sans qu'il y ait des morts, des blessés. C'est soit l'autre, soit votre adversaire ou vous-même qui est passé. Alors, en ce qui me concerne, je préfère que ce soit l'autre plutôt que moi. Mais aucune envie de tuer des Algériens. Aucune envie. Même pas maintenant. On voyait des soldats qui crapahutaient. Jean-Claude Guérin. Et puis, nous allions chercher également les véhicules qui avaient été, entre guillemets, endommagés quand ils avaient sauté sur une mine ou qu'ils avaient été attaqués. Ben là, on comprenait qu'avec le sang qu'il y avait à l'intérieur, que ça s'était mal passé et qu'on avait laissé des copains. Et puis, très souvent... quand ils venaient apporter, on ne voyait plus les mêmes copains, on leur disait, il n'est pas là, vous savez pourquoi. Dans le secteur d'Azazga, au-dessus de Tizi Ouzou, en Kabylie, Paul Hajder. Aussi une jeep du 2e RPIMA est tombée dans une embuscade, et quand nous sommes allés les chercher, on les a retrouvés à poil. On leur avait piqué leurs vêtements, leurs armes, par contre les parties génitales dans la bouche. Alors ça m'a marqué parce que je dis quand même, bon, la guerre c'est la guerre, c'est une chose, on se tue, ok, mais au moins le respect du mort, quoi, on le touche plus. Alors maintenant quand on parle de torture, là ça me fait un peu rigoler, c'est vrai que j'étais un peu au courant parce que en tant que radio, mais j'étais tenu au droit de réserve. Il fallait que je pouvais pas divulguer tout ce que je savais, normal. Et c'est vrai que les corvées de bois, j'en ai vu. Hein. Je savais que le gars qui partait, il allait pas revenir. Hein. Mais bon, j'y ai jamais participé. Hein. Mais j'étais au courant. L'appelé n'a jamais participé à des tortures. Lorsqu'il y avait un prisonnier de fait, il était livré au service soit de la police locale, soit des services de l'armée, c'est-à-dire, je pense, le deuxième bureau. Mais le simple soldat ou même l'officier ou sous-officier appelé n'avait aucune action là-dedans. Et il avait interdiction d'interroger de toucher, de frapper, de faire quoi que ce soit sur le prisonnier. Maintenant, je vous dirai franchement, et je crois que nous sommes plusieurs à dire la même chose, après tout, quand il s'agissait de sauver la vie de soldats, pourquoi pas ? Après tout, c'est la guerre. L'autre camp faisait la même chose. Alors je vois pas pourquoi on se serait privé. Si l'armée française le faisait pour obtenir des renseignements, je dirais que c'est de bonne guerre. Bon, la guerre, c'est pas beau. Et c'est peut-être ce qu'on oublie, c'est que c'était une guerre civile. L'armée française ne s'est pas comportée comme les SS. Hein. On n'a pas été si méchants que ça. Moi, je me souviens, quand je suis arrivé en Algérie, on a été présenté au colonel. Hein, le colonel, la première des choses qu'il nous a dit, vous respectez les femmes, hein, autochtones. Hein, parce que vous êtes là pour faire de la pacification, hein, vous n'êtes pas là pour les abrutir. Bon, c'est honorable. Maintenant qu'il y ait les bavures dans toutes les guerres, il y a les bavures, hein, il n'y a pas que nous, hein, et ça, on n'y peut rien. Hein, et je le comprends. Je me mets à la place d'un collègue qui a perdu son meilleur copain. Hein, le matin, on discute, on boit le café, et le soir, on vous dit « Ah bah oui, tiens, il s'est fait descendre. Bah, » Le premier qui passe, vous avez envie de le venger. C'est la réaction bestiale, mais c'est la réaction humaine. Les femmes arrêtées pendant la guerre d'Algérie étaient traitées de la même façon que les hommes, madame. Le général Oussarès. Ça commençait par des gifles, des coups de poing. Louisette Iri-Laris. Et puis des grossièretés, avec tous les noms d'oiseaux. Est-ce que ça veut dire qu'elles étaient torturées de la même manière que certains hommes ont pu être torturés ? Certainement, madame. Puis après, monsieur a débordé. Il a... Les femmes étaient-elles violées ? Il commettait d'innommables. Jamais, madame, jamais. Le viol, c'est tout. D'une façon très, très violente. C'est tout. Mais je ne sais pas ce qui serait advenu si j'avais été affecté à la 10e DP avec des massues et des Osarès. Est-ce que j'aurais pas été retourné comme une crêpe ? J'en sais rien. C'est moi, je vais être franc avec vous. J'ai eu cette chance de ne pas tomber dans une embuscade avec un copain blessé ou tombé à côté de moi. Sinon, qu'est-ce que j'aurais fait ? J'aurais fait comme tous les autres. Hein. J'aurais tiré sur celui qui a descendu mon copain, j'aurais cherché à l'avoir. Ça, c'est tout un engrenage de violence. On est une génération de jeunes, on se remonte le moral. Ensemble, collectivement, on n'a pas cette maturité d'une personne vraiment adulte, hein, qui peut mesurer, analyser les choses. On voit les choses que bassement, on est coupé de tout. On envoie des lettres à nos parents. C'est des lettres menteurs. On va pas les inquiéter. On leur raconte que tout va bien. Si vous prenez les photos qu'on a fait pendant la guerre d'Algérie, c'est des photos, on se présente en se marrant. En buvant un coup, en rigolant. Donc, ça va être une addition de mensonges, de non-dits, pas de mensonges, mais de non-dits sur le réel vécu de ceux qui ont été là-bas. Et quand certains vont vouloir dire ce qui s'est passé là-bas, on va pas les croire. On va dire, c'est pas possible. Ce que vous racontez là, c'est pas vrai. La torture était possible partout. Possible partout. Jamais légalisée. Toujours dans un statut trouble. C'est-à-dire, on encourageait sa pratique sans l'appeler jamais comme ça, en parlant d'interrogatoire physique, d'interrogatoire sous la contrainte, d'interrogatoire poussé, etc. On ne la sanctionnait pas. Alors, il y a des unités où elle était courante et des unités où elle était strictement interdite. C'est ça aussi qui est compliqué à comprendre, c'est qu'on ne peut pas faire une espèce de typologie. En revanche, un des critères qui joue, c'est la personnalité du chef et sa volonté ou non d'autoriser cette pratique, ça c'est sûr. Mais voilà, ce qu'on peut dire, c'est que la torture a été massivement pratiquée. Donc oui, il est possible, très souvent, que les hommes qui ont été en Algérie aient été confrontés à cette réalité. quand vous êtes démobilisé, vous avez la double peine. Vous êtes le militaire qui n'a pas réussi. Oui. Et puis surtout le tortionnaire. Francis Ivernès. Le tortionnaire. Alors quand on va, parce qu'on intervient dans les lycées, les collèges et tout ça, et dans les colloques, première question des jeunes qui ne savent pas, alors est-ce que vous avez torturé ? Première question désagréable. Il y a eu entre 1 500 000 et 2 millions de militaires qui sont partis en Algérie. Je ne crois pas qu'il y ait 1,5 million, entre 1,5 million et 2 millions de tortionnaires. Alors là, ça se saurait certainement. Alors, non, il y a eu des tortures. Ça, c'est l'aspect militaire. Je ne vais pas traiter ce sujet. Mais en ce qui me concerne, non. Et tous ceux que j'ai côtoyés qui étaient avec moi à l'armée, je dirais non pour eux. Je dirais tous ceux que j'ai connus, non, qui étaient avec moi, non. Et nous expliquons aux jeunes, là, maintenant, qu'on est partis, on n'avait pas le choix. Nous avons un copain ici qui est au bureau départemental, qui, lui, n'a pas voulu partir. Ils sont venus le chercher avec les gendarmes, 2 jours ou 3 jours après. Et une fois en Algérie, il est parti tout de suite en Algérie, et il a été dans des commandos de choc pendant tout le temps. Et il en a bavé. Et il en a bavé. Maintenant, il en rigole, mais il en garde, dans ce qu'il nous raconte, et il en a de sacrés souvenirs. Il ne veut plus en parler beaucoup, à part entre nous. Entre nous, nous arrivons à parler de la guerre d'Algérie. Je crois que c'est pour ça qu'on se retrouve à la FNACA. Parce que on désacralise un petit peu notre vécu en Algérie. Et avec moi, vous arrivez à en parler ? Bah, la preuve, c'est pas facile. Je parle plus facilement devant des élèves qu'avec vous. J'ai reçu déjà 2 groupes. Le premier, ils étaient 4-5, ça a été très très dur. Mais là, vous voyez, même maintenant avec vous, c'est pas facile. Pourquoi c'est pas facile ? Qu'est-ce qui reste encore compliqué ? Parce qu'il y a un traumatisme inconscient. On appellerait ça névrose peut-être. Mais on est tous comme ça. On est tous comme ça. Ça n'a pas été soigné, et nous partirons avec. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Ça n'a peut-être pas été toujours facile pour nos familles. Mais c'est ce qui fait que nous n'en parlons même pas à nos familles. Là je vais produire un ouvrage, je me donnerai d'ailleurs. Oui, j'ai intitulé « Être ancien combattant ». Être ancien combattant en Algérie. L'ancien combattant, qui est-il ? À son retour, il ne reconnaît plus le pays de son enfance. Il se réveille après un long cauchemar, mal de vivre, malvenu, mal entendu, malheureux, mal aimé. Première atteinte du mal de l'Algérie, il ne retrouve pas ses 20 ans. Nul ne guérit de son enfance. Son Algérie ne sera jamais terminée. Il aura toujours mal à sa mémoire. Je crois que je résumais un peu tout ceux qui ont participé à cette guerre ressentent. Ça, c'est les effets collatéraux d'une guerre. Je suis désolé de dire comme ça, mais bon, il y a une interruption de vie qui a duré 28, voire 30 mois pour certains, alors que ces jeunes, on sortait de la Seconde Guerre mondiale, on aspirait à vivre, comme tout un chacun, à vivre, à s'éclater, et puis finalement, notre jeunesse a été brisée. Et quand on revient ancien combattant. Hein ? Et qui dit ancien, dit vieux. C'est péjoratif, mais c'est comme ça. Et donc, alors, on est, bah oui, c'est ancien combattant, vraiment ancien combattant à 23 ans. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? On est tous rentrés dans les mêmes conditions. Maintenant, ceux qui font 4 mois au Mali, ils sont pendant 3 mois soignés aux petits soins. Mais nous, on rentrait, on était même très mal vus. On retrouvait une France où on ne connaissait plus personne. Pourquoi ? On était... On ne voulait pas nous parler. Déjà, à la Sorbonne, moi, j'étais un vieux par rapport à tous ces jeunes de 18 ans. Je me souviens d'un autre, et on est devenu amis parce que on avait été dans les mêmes conditions. Mais on était vieux, donc on avait fait la guerre d'Algérie. Moi, je suis parti, j'étais un môme. Je suis rentré, mon père ne me reconnaissait plus quand je suis rentré. Vous savez, quand vous avez on vous donne un flingue pour tirer sur quelqu'un, et que vous avez eu l'occasion de le faire, ça change un bonhomme. Je vous ai dit avant de partir, on vit dans un tout petit deux pièces, rue Diaz, à Boulogne-Billancourt, très exactement. Moi, j'ai un studio, enfin, on appelle ça un meuble cosy, avec un lit cage. Ma sœur couche dans la chambre de mes parents. Quand je pars en Algérie, ils vont pouvoir quand même être tranquilles. Ma sœur va prendre ma place. Quand je reviens, je suis indésirable, le trop. Et je suis majeur. Donc maintenant, faut que tu mènes ta vie. Donc, grâce à mes collègues de travail, j'ai trouvé une petite chambre d'hôtel près des usines Renault. Bon, ça n'a pas pu durer parce que je suis parti en vrille. J'ai déprimé, puis ça n'allait pas du tout. Bon, et puis après, bon, j'ai été récupéré autrement. Mais bon, c'est comme ça. Le retour, il est. Mais c'est pas un retour particulier à moi. Hein. Il y a des retours. Moi, je connais des retours encore beaucoup plus tragiques que ça. Hein. Je connais des retours où le gars, il revient, sa maman, elle a refait sa vie avec un autre homme, et ils le foutent à la porte carrément. Hein. Chez mes parents, ça s'est passé normalement, hein, je veux dire. J'ai pas été spécialement marqué, mais j'en parlais pas. Et alors, qu'est-ce que vous avez raconté au final à vos enfants de tout ça ? Plutôt les bons côtés. Paul Hajder. Les souvenirs joyeux. Les fêtes qu'on faisait, parce que bon, on faisait quand même des fêtes, hein, et puis le côté cocasse, le côté imbécile de certains sous-offres en particulier. Je garde le souvenir des gorges d'El Kantara, par exemple, sur la route de Biskra, hein, la route qui va au Sahara. Les gorges d'El Kantara, quand vous partez de Constantine, vous n'avez que de la latérite. C'est-à-dire que vous êtes de la terre rouge partout. Vous faites 200 km de la terre rouge, de la terre rouge, de la terre rouge. D'un seul coup, vous arrivez aux gorges d'El Kantara, il y a un virage. Vous avez 100 000 palmiers qui vous pètent à la figure. Moi, j'ai très peu de photos. Et puis, je n'aime pas. C'est pas mon truc. Hein. J'aime bien... faire des films ou des trucs comme ça, mais la photo, non, c'est l'album photo, c'est pas ma spécialité du tout. Hein. Je dis remuer les souvenirs, ça sert à rien. Ça sert à rien, et pour boucler la boucle, vous venez quand même ici en parler avec vos camarades. Oui, bien sûr. Bien sûr, on vient avec... Alors, des fois, ils me demandent, bah, « T'as pas quelques photos ?» Oui, si, j'en ai quelques-unes, hein, mais il n'y a rien de vraiment de choc, quoi, je veux dire. J'y allais pas de gaieté de cœur en Algérie. Hein. Moi, je préférais rester ici. Hein. Bon, si, ça... Quand on en revient, ça laisse des souvenirs. Puis ça a fait un voyage supplémentaire. C'est pour la peine, maintenant j'ai fait le tour du monde alors. Personnellement... Jean-Claude Guérin. Une fois rentré, je ne voulais plus entendre parler de la guerre d'Algérie et de l'Algérie. Pourquoi ? Je ne sais pas, il fallait effacer de ma mémoire ce passage. Je ne sais pas. Il fallait effacer ça de ma mémoire. Et c'est une fois à la retraite que en recevant du comité où j'appartenais à l'époque une invitation à l'Assemblée générale pour reprendre ma carte. Ils indiquaient qu'ils cherchaient des candidats comme secrétaire, trésorier et autres. Et ma femme me dit, bah tiens, pourquoi tu n'irais pas aller voir, ça changerait les idées. C'est comme ça que je me suis impliqué à la FNACA et j'ai été pris plus qu'au jeu. Et probablement parce que justement, de retrouver des copains où on pouvait parler librement de ce que nous avions fait, un peu comme un confessionnal, peut-être. On parle de la transmission. Bon, mes enfants, la guerre d'Algérie, ils en auront le cul, excusez-moi l'expression, parce que, bon, vu les engagements que j'ai pris par rapport à ça. Mais la plupart du temps, dans les générations, les enfants, ils n'en ont pas parlé à leurs enfants. Alors, d'une part aussi, par rapport, je reviens sur la Première et Seconde Guerre mondiale, la mère, la femme, l'épouse, vit cette guerre à travers son expérience à lui. En ce qui nous concerne à nous, je ne peux pas demander à ma femme d'avoir vécu la guerre d'Algérie à travers mon expérience parce que je ne la connaissais pas avant. Donc quand dans les ménages actuels de ceux qui ont fait la guerre d'Algérie, eh bien, la plupart d'entre nous, on a évité d'en parler à notre femme pour ne pas l'emmerder à cause de ça. Sauf dans certains cas où malheureusement, la femme a récupéré le mari ou le fiancé dans des états lamentables. Toute guerre, il y a des saloperies, il n'y a pas de guerre propre, il y a des morts, il y a des exactions. Alors d'où il vient ce silence? Je crois qu'il est très difficile de dire, tout simplement. Gérard Mordilla, écrivain cinéaste. Et que c'est très caractéristique de tous ceux qui ont été dans des guerres, dans des batailles. Il y a une difficulté à dire la bataille, à dire la guerre. C'est extrêmement compliqué. C'est très documenté sur 14-18, c'est documenté aussi sur 39-45. Les Américains au Vietnam aussi ont beaucoup réfléchi à ça. Donc, c'est très difficile à dire. Derrière la guerre d'Algérie, il faut pas oublier qu'il y a le fantôme de la guerre d'Indochine, qui était une guerre plus que perdue par les militaires français. Et donc, pour les militaires, pour les commandants militaires, c'est la revanche. C'est soudain, on va se laver de Dien Bien Phu. Et ce qui est assez fascinant, c'est que quand quelqu'un vous raconte, par exemple, voilà, moi, mon père, il m'en a jamais parlé. Mon père, il en a jamais parlé. Et ensuite, on demande à cette personne de raconter des anecdotes racontées par le père, de savoir s'il y avait des objets d'Algérie à la maison, s'il y avait des photos. Eh bien oui, et en fait, il y en avait. Et des anecdotes autour des photos, il y en avait. Et des objets, il y en avait. Et en fait, des récits d'Algérie, il y en avait. Mais c'est la même personne qui est capable de vous dire, il en a jamais parlé, et qui, par ailleurs, raconte qu'il y a eu ce que moi j'appelle des bribes et des fragments. C'est-à-dire, il y a des choses, mais ça ne fait pas corps pour les gens, ça ne fait pas sens. Ça n'efface pas cette impression qu'il manque quelque chose. Et donc, on dit, il n'en a jamais parlé. Donc, voilà. Une sorte de lieu commun, c'est ça. C'est cette histoire du silence qui, quand elle est portée par les enfants ou par les proches... C'est différent quand c'est les anciens combattants eux-mêmes qui le disent, mais quand c'est les proches, ça va souvent avec deux choses assez contradictoires. Le premier, c'est « je sais rien, il n'en a jamais parlé, ça ne m'intéresse pas ». Ou l'autre, c'est « il n'en a jamais parlé, waouh, qu'est-ce qu'il doit y avoir derrière ?» Dans Souvenir, souvenir, son court-métrage d'animation, Bastien Dubois va chercher des réponses auprès d'un grand-père mutique, vétéran d'Algérie. Mamie ? C'est quoi ? Où t'as trouvé ça, toi ? Quoi, t'as un scorpion ? C'est un papy. Il a ramené ça d'Algérie. C'est d'Algérie ? Bien sûr, quand il a fait la guerre. L'Algérie, en fait, ça a toujours un peu fait partie du décor, entre guillemets. Isis, sœur de Bastien Dubois. Il y avait beaucoup d'éléments qui venaient d'Algérie chez mes grands-parents. Des poignards accrochés au mur. Mais c'était un peu des éléments, j'ai envie de dire, exotiques, quoi. Enfin, qui, de mon point de vue, n'étaient pas forcément reliés avec... avec une guerre ou avec des souvenirs douloureux. Et moi, je ne l'ai pas questionné, en fait. Donc, c'est vrai que cette obsession de mon frère, il a dû percevoir des choses que moi, je n'ai pas perçues. Il a dû ressentir des choses que je n'ai pas ressenties. Et donc, si le grand-père n'a pas pu parler, si le père n'a pas cherché à savoir, c'est le petit-fils qui porte ça. Alors ça c'est amusant parce que effectivement cette introduction où Bastien découvre ce bocal avec un scorpion dans le formol. Bruno, père de Bastien Dubois. C'est un peu comme une image en abîme parce que je me revois moi effectivement je me souviens très bien à peu près au même âge d'avoir effectivement vu ce bocal et j'ai eu les mêmes réponses. J'ai eu voilà c'est un scorpion que papa a ramené. Pas évidemment mon père, a amené quand il était faisait son service en Algérie. Et voilà, ça en est resté là. Et effectivement, Bastien ne m'a jamais véritablement interpellé ou posé ces questions-là. Il s'est interrogé lui-même directement, et peut-être a essayé de savoir directement auprès de sa grand-mère plutôt que de passer par moi. Et le peu de fois, effectivement, où il m'a posé la question, je n'ai cessé de lui dire, encore une fois, que... pour moi, il n'y avait pas eu de... Voilà, c'est encore des bons souvenirs, la chasse à la gazelle, comme il le dit. Et c'est vrai que il avait besoin d'en savoir un peu plus. Tu sais, non, ce n'était pas vraiment une guerre. On disait plutôt opération de pacification. Mamie, ils disent ça pour toutes les guerres. L'Irak, le Vietnam. Ah oui, tu as peut-être raison. Hein. Je sais pas de quel droit je viens les emmerder avec tout ça. Ils sont à la retraite, ils sont tranquilles, et moi je viens gratter sans oser poser les bonnes questions. En fait, ce que tu veux savoir, c'est... Est-ce qu'il a tué, c'est ça ? Peut-être. C'est impossible qu'il ait fait 2 ans en Algérie sans qu'il y ait eu quoi que ce soit. J'ai formulé « Qu'as-tu fait en Algérie ?» parce que c'est une question pour moi qui était neutre. Et puis certains lecteurs m'ont écrit en me disant... certains anciens combattants m'ont écrit en me disant... pas beaucoup, hein, mais un ou deux m'ont écrit en me disant « C'est une question qui met en accusation. » Qu'as-tu fait au sens... qu'as-tu fait comme bêtise, quoi ? Qu'est-ce que t'as encore fait ? C'était pas du tout le sens de ma question, mais j'ai trouvé ça intéressant qu'ils l'entendent comme ça, et je pense qu'ils l'entendent avec raison comme ça, parce qu'effectivement, elle est parfois posée, sans doute, comme ça. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des questions qui sont pas résolues pour beaucoup d'enfants, parce que c'est pas dans le titre, en réalité, c'est aussi les frères et c'est aussi les maris qui sont là, hein, et j'interroge aussi la relation frère-sœur et la relation... la relation du couple, hein, parce que c'est vraiment une relation très importante, ça, de comprendre comment dans l'intimité du couple on a géré cette expérience. C'est toute la question, notamment des cauchemars. Enfin bon. Donc oui, la question, elle est reposée. Elle est reposée dans la tête des enfants. Encore une fois, c'est pas pour autant qu'ils la posent. D'autant plus qu'un certain nombre de pères sont morts. Donc la question, parfois, elle se la pose, mais c'est pas au père qu'il la pose. C'est parfois à l'historienne ou c'est parfois à leur mère. En disant, au fait, qu'est-ce que tu sais que papa a fait en Algérie ? Et ça, c'est des choses que j'ai aussi pu observer, c'est-à-dire la parole des femmes qui se délient après la mort de leur mari. La personne qui porte un secret, elle le porte parce qu'elle pense que les autres ne supporteront pas de l'entendre. En tout cas, elle le porte en elle, donc elle en a conscience, elle l'a avec elle, elle vit avec, donc voilà, elle sait qu'elle peut vivre avec. Par contre, elle ne sait pas si les autres peuvent vivre avec. Et en fait, on suppose que ça va être trop dur à encaisser. Et donc, d'un côté, il y en a un qui ne parle pas. Et de l'autre côté, on ne cherche pas à savoir. Le silence, c'est relationnel. Parce que la question, ce n'est pas vous vous taisez, c'est vous ne parlez pas à qui ? À qui vous ne racontez pas ? Mais qu'est-ce qui t'intéresse de l'Algérie? On ne va quand même pas passer une éternité là-dessus. Enfin, Robert. Écoute, moi, j'ai pas connu la guerre et je pense que c'est important que de raconter, qu'on puisse raconter ce que tu as vécu, toi. On peut pas, que veux-tu? On était partis là-bas, on était désappelés. On n'a pas le choix. Il y en a marre. Oh, hein? Robert, allez. Pas le choix. Et alors, votre grand-mère, elle savait quoi, elle? Ben là, on va vraiment spoiler complètement le film. Bastien Dubois. En fait, ce qui est révélé à la fin du film, et ce que moi je trouve incroyable, c'est qu'au moment où j'ai réussi à faire parler mon grand-père, pour moi, à ce moment-là, j'avais compris que ma grand-mère était un peu dans la confidence de ce qui avait pu se passer en Algérie, et qu'elle avait pris des années à essayer de mettre un peu en place cette ambiance de confiance pour qu'on puisse s'en parler. Et le truc, c'est qu'à un moment, j'ai réalisé que même à ma grand-mère, il n'en avait pas parlé. Et que ce qu'elle savait, c'était ce qu'elle avait entendu dans des réunions d'anciens combattants ou quand mon grand-père retrouvait ses amis anciens d'Algérie, où ils parlaient entre eux, mais que même à sa propre femme, il n'en avait pas parlé. Et pourquoi ne pas avoir été chercher ces réponses que le grand-père ne voulait pas donner ailleurs? Est-ce que ça veut dire que vous soupçonniez quelque chose qu'il aurait fait, ou fantasmiez quelque chose? Il y avait ce mythe, ce récit. Bien sûr, je suis allé voir ce que les autres avaient écrit, et c'était d'autant plus difficile de s'imaginer qu'il s'était rien passé. C'est-à-dire, quand on lit les témoignages d'appelés en Algérie, qui racontent des razzias sur les villages et les tortures, etc., d'avoir d'un côté ces lectures et de l'autre côté des retours d'un grand-père qui raconte un récit policé, bien sûr, on est en mesure de se poser des questions. Peut-être que ce qui est permis ou permissible, quelque part, entre un grand-père et son petit-fils, c'est peut-être beaucoup plus difficile également entre un père et son fils. Et donc, peut-être que ce décalage générationnel peut autoriser cette curiosité. Moi, je n'ai pas effectivement interpellé mon père, je ne l'ai pas interrogé aussi fort que l'a fait Bastien. Donc, il y a ça quand même. Peut-être que mon père, du coup, s'est révélé un peu plus parce qu'il savait que Bastien s'interrogeait et qu'il avait besoin aussi peut-être de libérer quelque part sa conscience. En fait, c'est pas que j'ai réussi à le faire parler, c'est lui qui s'est livré à un moment qui était inattendu, qui était pas anticipé. C'était pendant un repas de famille. Et je lui ai expliqué, en fait, je vais faire un film dans lequel je raconte que je ne suis pas capable de te poser des questions. Donc on parle de ça à l'apéro, on passe à table. Et à table, il a commencé à entamer un monologue un peu tout seul en regardant dans le vide. En fait, il nous a raconté qu'il y avait une personne de son régiment qui avait fabriqué une messe d'armes. Donc c'était un assemblage de métal, une barre en acier avec une boule de plomb au bout. Et il a juste raconté ça et il s'est mis à pleurer. Et ce qui laisse deviner que qu'est-ce qu'on fait avec ce type d'objet. Et c'est tout ce qu'on a eu en fait. Et à ce moment-là, le château de cartes de la légende familiale s'est effondrée. Excuse-moi. Je pense qu'à ce moment-là, j'étais allé au bout de ma quête, c'est-à-dire que j'avais pas forcément besoin de savoir exactement ce qui s'était passé, qui avait fait quoi, quels étaient les actes dans chacun de leurs détails. Quand il y a eu la révélation du grand-père, j'ai vu le comportement de mon père se fermer. Juste après le repas, je suis allé le voir pour lui demander qu'est-ce que tu penses de cette conversation. Et il a prétendu que cette conversation n'avait jamais existé. C'est vrai que je me souviens de ce repas où on en a discuté, qui m'a presque culpabilisé en me disant tu vois, vrai, tu nies l'évidence. C'est clair, il s'est mis à pleurer. Bon. Donc oui, tout ça, ça augmente les doutes. Bon, mon père est décédé il y a un peu plus de 2 ans, ma mère l'année dernière. Je regrette qu'il n'ait pas vu le film, parce que peut-être que ça aurait déclenché des choses. J'en suis presque convaincu. Mais en tout cas, là, on restera avec le doute. Comment expliquer encore ce silence 60 ans après ? Je ne sais pas comment l'expliquer. Je crois que là aussi, c'est un phénomène complexe, même à essayer de verbaliser, quoi, de se dire ces hommes qui ont participé à des exactions, à des tueries, qui ont été ceux qui ramassaient les gens, etc. Qu'est-ce qu'ils avaient dans la tête au moment où ils faisaient et comment ce souvenir est si cruel qu'ils ne peuvent même plus ouvrir la bouche. C'est vrai que ça reste là dans le mystère de l'individu. Comment on peut faire ça? Comment on peut le faire? Moi, c'est cela que j'aurais aimé filmer et interroger, comme ceux qui, justement, se sont réellement battus pendant la guerre d'Algérie et qui en sont revenus muets. Parce que je pense qu'il y a une sidération quand soudain revient comme un bâton l'horreur de ce que l'on a commis. J'ai discuté plus tard avec Zimmermann, qui avait écrit un livre absolument formidable sur ça, qui lui aussi était dans les commandos de chasse, et qui m'avait raconté cette chose quand son temps se termine, il rentre chez lui, c'est le retour du fils qui est... n'a pas été tué, qui n'a pas été blessé. C'est un dimanche, toute la famille est là, on sert le repas du dimanche extraordinaire, et Daniel Zimmermann me dit « Et personne ne m'a posé aucune question et je n'ai rien dit. » Et quand Zimmermann m'a dit ça, je me suis dit « Si je pouvais tourner le film aujourd'hui, c'est la scène que je tournerais. Je ferais une scène de 10 minutes de repas où personne ne dit rien. » Parce que c'est ça, la guerre d'Algérie. La guerre d'Algérie, c'est l'immense silence français auquel fait part l'immense silence algérien. Et ces deux silences-là, pour le coup, sont réellement complices. Words like violence break the silence. Come and crashing in into my little world. Painful to me, breaks right through me. Can't you understand? Oh, my little girl, all I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary. They can only do harm. C'était Algérie, les ineffables mémoires. Mais qu'a donc été faire papa dans cette galère ? Avec Serge Drouot, Francis Ivernès, Paul Hajder, Raphaël Branche, Jean-Claude Guérin, Bastien Bruno et Isis Dubois, ainsi que Gérard Mordillat. Algérie, les ineffables mémoires. Prise de son, Dofar Guéride et Jean-Louis Deloncle. Mixage, Bernard Laniel. Réalisation, Somanina, Archivina, Hervé Evano, coordination, Marie-Vonne Abolivier et Perrine Kervran, un documentaire d'Alain Lefkovitch assisté d'Hélène Fabrini pour la série documentaire. LSD, pour aujourd'hui, c'est terminé. Bibliographie, lien ou pour nous écouter en famille, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonne Bolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Et pour nous écouter partout et tout le temps, le podcast sur l'application Radio France et ailleurs. Et pour nous parler, c'est sur Twitter et même sur Instagram. Et pour toujours plus de documentaires, abonnez-vous à la plateforme Tank, notre partenaire qui propose une sélection éclectique, rare et pointue de documentaires d'auteurs. Demain, deuxième épisode, Les soldats du refus. Mais en attendant, restez à l'écoute.